A, c'est fuir. Plan B. J'ai vu une base, je me suis dit go. Mais j'avais zéro stuff, zéro cerveau. Un petit saut, un coup d'œil discret. Et j'ai déclenché 12 tourelles cachées. J'ai crié reto basse, mes jambes ont prié. Mais mon slip s'est pris dans un piqué rouillé. J'ai rampé, transpiré, supplié le sol. Mais mon micro a capté mon ono en troll. Plan A, fuir, je suis nombreux dans la nuit. Mais je me tape les murs comme un chat en furie. Plan B, mourir, stylé sur le bitume. Un dernier dab avant le costume. Y'avait un noob derrière moi, je croyais l'avoir semé. Mais il a crié, je te pas avec un double pompe fumée. J'ai tenté le bluff, j'ai fait je suis gentil. Puis je me suis pris un pruneau dans le nombril. Les viewers rient, je me sens humilié. Mais mon swag indestructible validé. Car même en crevant, je fais le spectacle. Et Rider Skill reste intact dans la débâcle. Plan A, fuir la tactique du ninja. Mais version claquette et pieds plats. Plan B, mourir mais en rimant. Le stuff tombe, le style reste le vivant. Dans Rust, y'a pas d'erreur. Y'a que des clés. Plan A, fuir, je me faufile sous les rails. Plan B, mourir, mais en faisant le bail. Plan A, looter peut-être. Plan B, revive jamais. Rider Skill vous salue les pieds devant.